Bonjour à tous, ici Jean-François en direct de ma terrasse. Vous écoutez l'émission numéro 9 sur le Terminus. Comme depuis le début de cette série, je présenterai à vos oreilles au cours de la prochaine heure la musique qui, en tout cas, fait le bonheur des miennes en ce moment. Il y aura quelques nouveautés comme les Frightened Rabbits, The Pillies et les Smashing Pumpkins, le groupe maintenant d'un seul homme, Billy Corgan, puis le départ pour la troisième fois du batteur Jimmy Chamberlain l'année passée. Imaginez, pour le remplacer, Corgan a engagé Mike Byrne, un gars de 20 ans qui pourrait facilement être son fils. Avis aux intéressés, Corgan est à la recherche d'un ou une bassiste et claviériste pour compléter le groupe pour la tournée qui va démarrer bientôt ce printemps. Le 25 mai prochain, les Smashing Pumpkins vont aussi sortir un EP de 4 chansons appelé Tear Garden by Kaleidoscope, volume 1, Songs for a Sailor, dont 3 chansons ont déjà été publiées sur le site officiel du groupe depuis octobre dernier. Si certaines chansons s'aventurent un peu dans le rock progressif, d'autres sonnent quand même comme du bon vieux Smashing Pumpkins. Je vous laisse d'ailleurs vous faire votre propre opinion avec Widow Wake My Mind. Yes, I'm. Right foot, followed by your left foot, will guide you home before your curfew, and into your bed. Standing on our tiptoes, peering through open windows, I swear I heard my name. Sitting with the lights off, waiting for my brain to storm, trying to work things out. It's thunder and it's lightning, and it's all things too frightening. I could barely see outside. Black and blue, being struck twice is nothing new. Your body was black and blue, being struck twice is nothing new. Your body was black and blue, your body was black and blue, your body was black and blue, your body was black and blue, your body was black and blue, your body. Yeah. C'était les Écossais de We Were Promised Jetpacks avec It's Thunder and It's Lightning de leur album These Four Walls, sorti à l'été 2009. Juste avant le disco punk texan de The Arm, la chanson To Your ID de l'album Call You Out. Et le bloc avait débuté par les Smashing Pumpkins qui sortiront 4 nouvelles chansons le 25 mai. En parlant de nouvelles sorties, plusieurs groupes vont sortir du nouveau matériel dans les prochaines semaines. Question de justifier la tournée des festivals qui s'en viennent. Sur la scène locale, on a déjà eu droit, entre autres, à la pub de Lights Off en février, et en mars, le rock progressif de Bessnard Lakes, et aussi l'album très attendu de Carquois, Les Chemins de Verre. En avril, le 20 avril, c'est à retenir parce qu'il y a la sortie du nouvel album de Plants and Animals qui s'annonce très intéressant si on se fie aux quelques chansons déjà offertes sur Internet. Il y aura aussi le deuxième album du Husky appelé La Fuite. Sinon, il faudra attendre à la fin de juin pour Expo 86, le troisième album de Wolf Parade. À l'extérieur du Québec, il y a entre autres Dr. Dog avec Shame Shame le 6 avril. Le 27 avril, le rock disjoncté en provenance de la Colombie-Britannique de Frog Eyes avec un nouvel album le 27 avril. On a déjà parlé du nouveau Broken Social Scene le 4 mai. Sinon, la semaine d'après, un gros nom de l'indie américaine de National avec High Violet le 11 mai. Donnant dans un rock assez léger, les Torontois de Tokyo Police Club vont aussi être prêts pour l'été avec Champ le 8 juin. Et ça, c'est sans compter sur toutes les surprises qui arrivent à chaque année. On va maintenant entendre un bloc de rock garage avec d'abord Los Stakes, un groupe de Bermeo en Espagne, tiré de l'album No Moon, sorti en mars, la pièce Willendorf. Ensuite, de Montréal, les filles de The Pellies se disent autant influencées par Anna Nicole Smith que Marie Curie ou Marie-Chantal Toupin. Elles ont fait paraître le mini-album Together Forever en janvier dernier, dont on va entendre Snake on a Man. Et pour terminer, de White White Lights, du mini-album Medium Head Boy, la chanson Space Invaders. Mais tout d'abord, Los Stakes sur le Terminus. Invisible. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Vous écoutez toujours le Terminus. On continue tout de suite avec du punk pas très méchant avec la descente du coude de l'album Coup de foudre paru en 2008, la pièce Branchez-le. Tout juste avant, le groupe culte qui a pourtant jamais connu le succès, WD-40 avec Chérie du fourmieux quand t'es stone. Et pour commencer, de Portland en Oregon, de Thermals qui se sont pas mal assagis avec le temps, on va le voir sur de l'album Now We Can See. La chanson Now We Can See. Oh, well. never knew another man. Yeah, baby, we were nothing. We existed for less. Our present was empty. Our history a mess. But now we can see. Now we do as we please. Now we do away with our disease. Now we can see. Now the image sticks. We still need the medicine quick. We still take the Debout, ce que je reste debout, entendre le silence qui sonne pas si doux. Comme d'habitude, je vous invite à me faire part de vos commentaires ou de vos coups de cœur au info@commercialeterminus.ca. Le dernier bloc va être un peu schizophrène avec un début pop et une finale plus agressive et abrasive. On commence donc avec un autre groupe de Glasgow en Écosse, Frightened Rabbits, qui ont sorti l'album The Winter of Mixed Drinks le 9 mars dernier sur Fat Cats, la même étiquette que We Were Promised Jetpacks qu'on a entendu plus tôt. Ensuite, les Anglais de Little Comets avec Matilda. J'ai beaucoup d'attentes envers leur premier album complet qui devrait sortir quelque part cette année. Et on va conclure l'émission avec les Montréalais de Bateau Noir qui proposent un rock instrumental lourd et planant. Le mini-album La Sauvagerie des Heures exploite d'ailleurs le thème de la piraterie qui va bien avec le son des deux premières chansons de l'album qu'on va entendre. Menace est mort avant l'heure. Mais pour commencer, voici Frightened Rabbits avec The Wrestle. C'est tout pour moi. À bientôt! no breath left, cold breath thief. You lost God. Soliloquy straight to his pillow, which frowns as she strikes it with fists that insist the light of their fridge door was always a metaphor. I'm bewildered, so please explain to me right now, Matilda, how all the friction in the addiction leaves me staring at your arms and screaming, go, silly, go. So full of agony, he'll be embarrassed and walk on the terrace. Whose slate floor she always found seem like a metaphor.